l'Afrique, en duo avec Mermoz, dans le ciel splendide, j'aurais cueilli les roses pour fleurir la planète du petit prince pendant les pauses. On aurait eu des biceps plein les combines, des sourires goguenards, des écussons de mec viril. On serait donné des tatapes dans le dos avant de grimper en riant dans nos machines. Héros sont des snobs, fiers comme des barons, bien à l'abri au creux des livres. Ils bombent le torse comme des débiles, pendant qu'on tasse comme des héros. On part faire du trek au Brésil en charter. Une longue route solitaire entre le ciel et l'océan. J'aurais été sans me lire cogner les vagues des jours durant, les coudes entre les dents et les pieds qui sentent le hareng. J'aurais été bien snob, fier comme un paon, pas faire du lard en plein cagnard avec mes bons potes rigolards, voter sur une grosse bouée baba. Nous sommes belles. J'aurais aimé avec Tanzine fumer une clope derrière les j'aurais voulu avec Falco brosser les dents d'un cachalot avec Armstrong et Gagarine. J'aurais joué les extraterrestres avec Mesrine et ses copines. Je serais tombé dans la bibi au mitard. Les vraies raisons pour ne rien faire. Quel plaisir vos aventures de vrais héros qu'on les chasse-peaux cachés sous les couvertures. Vous endurez, nous on a chaud. Nous on a chaud. Héros sont des snobs, fiers comme des barons. Qu'aurions-nous fait à votre place? Le serpent ou le rapace, on y réfléchira demain sur le périph' où l'on s'entend.